nouvelle collaboration. Qui on est, studio d'enregistrement. Tu reconnais les DM de leur style. Gérard, en direct, c'est l'équipe. Complètement nouvelle collaboration, mais tu sais, je complètement, complètement fracasse. Attitude de style, ça m'en fout. Écoute ça. 100% fada, les bateaux tous sont sans passage, j'ai un foutre le paillard. Les billets, tu les as tous, toi la tribu, tu sont fous. Nico. Vite Ramolo avec son truc qui te rend accro. New collaboration, listening fun and music collaboration. Je présente un nouveau trio sur le microphone. Dada Yumi, complètement firebone. Nouvelle collaboration, les gardiens d'attention. On explose des tapons à cool, bonne vibration. Un mélange de style, on prend un métissage. Le dosé à la pile, c'est pas que mon lamage. Un qui n'agrippe par le verse en plus de mélodie de la pêche. Salade de fruits, joli joli. Ah pas vu le mélange, mais t'as vu son nom ton zizi. T'es content, hein? Tu bombes mon salaud. Alors écoute ça bien, t'en faire péter le cerveau. 100% fada, les vastes tous sont son passage. J'en fous le paillard. Les billets tu les as tous, toi la tribu, tu s'en fous. Nico Vite Ramolo avec son truc qui te rend accro. New collaboration, listen it fun and music vibration. C'est MC NKN, t'as tout liquide dans les veines, c'est pas du son. J'te ramène ma gros rail, ma polaire. Quand j'm'avais dit, t'as un trou faute pour mi, pour mieux rester assis ou bien tout simplement crever. Dans son livre, moi j'me questionne. Sans le bouger dans ma tête, avec le bruit, ces canettes qui me rendent si de si qu'une savonne, j'te crampé d'âme. Franchement, transporté dans un monde en HD où y'a tout le monde qui peut chanter. Voir un petit coup, c'est agréable. Un petit coup, c'est tout. Bon les gars, je crois que c'est le moment de tout péter. Alors lâchez vos couilles, je veux gueuler. T'as choisi de mettre en l'air, cri aïe. Si c'est rien, on a trop fait, cri aïe. Ça vient pas de dire ton verre, cri aïe. Mais s'il y a pas quoi, on est fier, cri aïe. 100% fada, les vastes tous sont son passage. J'en fous le paillard. Les billets, tu les as tous, toi la tribu, tu s'en fous. Vite Ramolo avec son truc qui te rend accro. New collaboration, listen it fun and music collaboration. Joie des ovnis grâce à l'ecstasy. Mais le taz meurt en âme. Esther, c'est pinard qui influence mon cerveau. Je suis en transe, je pète ma panse, je suis dingue, c'est beau. Dans un monde parallèle, roule un zoo, fais pas de zèle. Dada, Ayub, Nico, sur le flow. On pose notre éton au bahut d'hétéro. Sur leur paillasson, riant, tête de con, qu'est-ce que t'es pour? Je paye mon pape. Je suis complètement en défait. Complètement en défait. Complètement en défait. Tu payes ton pape, gros. Tu payes ton pape. Tu payes ton pape. Complètement bourré, Nico. Complètement décalé. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau! Complètement décalé. Je ne suis pas là. Décalé. C'est une argument. Nico, t'as pas des numéros pour que je touche cet après-midi? Mais je crois que ça fait. Je crois que ça fait du merde. 100% fada, les vastes tous sont son passage, j'en fous le paillard. Les billets, tu les as tous, toi la tribu, tu s'en fous. Nico Vite Ramolo avec son truc qui te rend accro. New collaboration, listen it fun and music collaboration. Nada 100% fada, les vastes tous sont son passage, j'en fous le paillard. Les billets, tu les as tous, toi la tribu, tu s'en fous. Nico Vite Ramolo avec son truc qui te rend accro. New collaboration, listen it fun and music collaboration. C'est le collaboration. Hey, c'est la c'est de la musique de sexe. Attends. ça porte en paillard. Des esprits tout son passage, viens foutre le paillard. Les billets, il les a tous, toi la topu, sur son bout. Il n'a pas mollo avec son corps ultra gros. Collaboration, it's a bit mad, Dada. Dans ton sapaya, des bastos tous sont sans passage, viens foutre le paya. Avec tu les as toutes, toi la topus, tu sont au bout. Nico, vite en mollo, avec son corps ultra gros. New collaboration, les années mal, des pays de good vibration. Ouais, c'est cela, ça doit être de la musique de secte. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que ça doit être des hooligans. Vous savez, les hooligans, ceux qui ont la peau pas très... Comment... Enfin, vous me comprenez. C'est un but buteur. Hooligan. Complètement défait.